Bon, il fait toujours aussi froid le matin, mais on est bien avec vous, il est 6h et on va souhaiter une bonne fête à Materne. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un troisième mineur interpellé dans le cadre de l'enquête sur les casses à la voiture Bélier. Il a 16 ans. En tout, les trois mineurs ont donc été mis en examen. Le plus jeune des présumés cambrioleurs âgé de 15 ans est parti au camp Est pour exécuter une peine de prison ferme pour une précédente condamnation. Un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aviation civile est susceptible d'impacter le trafic aérien à partir de ce soir 18h30 et jusqu'à vendredi 7h. Jean Wenegei écope de 12 ans de prison, poursuivi pour vol, agression sexuelle et tentative de meurtre sur une mère de famille de 42 ans à Païta. C'était dans la nuit du 4 au 5 avril. Et puis la ville de Nouméa qui a voté hier soir le rachat pour 1,1 milliard de francs d'un foncier jusque-là dédié au parc des 5 îles, le célèbre projet immobilier à rebondissement. Et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a arrêté un plan pluriannuel d'investissement de production électrique directement lié à l'adoption du schéma pour la transition énergétique. Le ponton de la plage du Château-Royal, lui, va être démoli en raison de son mauvais état. Jérôme Cahuzac a assuré mardi ne pas avoir menti à François Hollande, sauf par omission sur l'existence de son compte en banque cachée. À la question « qu'est-ce que c'est ces histoires ?», il a répondu « c'est rien, c'est des conneries ». Voilà ce qu'il a relaté au cours de son procès. Sous pression de l'État, la direction d'Alstom assure qu'aucune décision ne sera prise avant la fin des négociations. Et jeudi, les 400 salariés de l'usine ont prévu de manifester. Enfin, l'ex-président israélien et prix Nobel, Shimon Peres, 93 ans, a été hospitalisé mardi soir près de Tel Aviv à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a des bonnes choses à venir? C'est pour la prochaine course La Nouméenne, c'est courir contre le cancer du sein. Donc il y a des inscriptions qui se font sur le site internet inlife.nc, c'est nouveau hein, ce système d'inscription. Il y aura quand même des t-shirts à récupérer pour la course, nous dit Sylvain. On voit ça dans les nouvelles en page 13 pour plus d'informations. Voilà, et puis il y a peut-être un record, ça fait toujours des chèques pour la Ligue contre le cancer, ce qui est bien aussi. Delphine, on va se retrouver toutes les demi-heures pour l'info, ça marche? Oui, notre rendez-vous quotidien. Allez, je me prépare à tout à l'heure. Ouais, moi je ne quitte pas encore mon pull. Ceux qui partent à deux roues, couvrez-vous bien encore. Je commence à en avoir marre de ce froid. Oh, mais quand il fera trop chaud, tu me diras j'en ai marre, il fait trop chaud. Oui, mais j'aime bien râler. En fait, voilà, c'est ça, t'es jamais content. Qui aime bien râler, là, lever la main? Les Français, tout. Voilà. On va tous râler. Ouais, un petit peu, gentiment. Allez, 6h04. Hein. Déjà, oh! Hey, baby, ici c'est ma cassine, man. Pour le mic, yeah. Bam, bam, bilam, bam. Mon taxi. Quand elle monte dans la Gova, je claque des doigts en feigne de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah ça dansant, un doux suçon. Elle soupire et frissonne. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer, está dura, dura, que dura. envie. Tu veux te fouler, chérie, viens dans mon taxi. Envie d'un chauffeur sexy qui saura te guider avec plaisir sur les chemins du désir. À l'arrière, tout s'enflamme, oh c'est chaleur. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la boule, j'en oublie ma tournée. Et le tel sort, les autres attendent. Elles vont me prendre, oh yeah. Murder they run. Envie, tu veux te fouler, chérie, viens dans mon taxi. Taxi chéri, ça vous chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens chéri, viens dans mon taxi. L'éphéméride d'énergie, c'est un jour, un événement. Le 14 septembre 1870, eh bien c'est la première carte postale française qui a été envoyée de Strasbourg lors du siège de la ville en 1870. Les cartes postales permettaient à cette époque de donner des nouvelles des assiégés, étaient acheminées en ballon. Mais oui, plus petites que les cartes actuelles, elles se présentaient ainsi, l'adresse du destinataire au recto et de la correspondance au verso. Il faudra attendre 1899 et l'inauguration de la Tour Eiffel pour voir apparaître la première carte postale illustrée. Quant au concept de carte postale, il a été initié un an plus tôt en Autriche. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Une adresse pour vous meubler. Meubles Import. Des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. Les nouveautés sont arrivées chez Chouchous. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchous. Chouchous, rue Sébastopol, une nouvelle sur Kouf et sur Facebook. L'apprentissage est, voilà messager, voilà apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà messager, oh. Pour le carrelage et la faïence, moi, c'est Courtois Revêt-Sol. Revêtements sol et murs, carrelage, parquet, faïence et pierre. Courtois Revêt-Sol, Carrefour du Golfe de Tina, du lundi au samedi, 43 33 11 et sur plan NC. Courtois Revêt-Sol, le choix, la qualité, les prix. Hé hey les filles, samedi 17 septembre au Cartel, c'est le Chip and Dale's Australia Show. De nombreux lots à gagner et un show de Chip and Dale's australien inoubliable. Prévente à la boutique Olala, au Saint-Trope, au Cartel et sur etiquette.nc. Le Chip and Dale's Australia Show, c'est pour vous les filles, samedi 17 septembre au Cartel, Baie des Citrons. Toutes les infos sur la page Facebook Cartel NC. Allez vite, j'y vais, pas de temps à perdre. Mais où tu cours comme ça? Je vais chez Jiffy. Pour leur anniversaire, ils remboursent nos achats. Oh, c'est vrai? Attends, je viens avec toi. Jusqu'au 30 septembre, c'est l'anniversaire Jiffy. Et pour fêter ça, Jiffy vous rembourse vos achats. Pour jouer, rendez-vous au magasin Jiffy Ville et Jiffy Ducos et participez au tirage au sort pour rembourser vos achats. Voir conditions en magasin. Jiffy des idées de génie. Le comité régional de karaté vous présente du 16 au 18 septembre à l'arène du Sud à Païta les Océanias de karaté. Venez découvrir les champions d'Océanie dans un tournoi de très haut niveau. Au programme, compétition de kata et combat pour les catégories Benjamin à senior. En famille ou entre amis, profitez d'un événement unique sur le territoire. Billets en vente sur ticket.nc. Plus d'informations sur le www.karaté.nc ou sur Facebook. Comité régional de karaté Nouvelle-Calédonie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. Yeah. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. L'info média du jour, eh bien, c'est une robe mythique qui va être vendue aux enchères. Mais quelle robe ? Eh bien, la robe moulante portée par Marilyn Monroe pour chanter lascivement Happy Birthday, Mr. President, au président John Kennedy pour son 45e anniversaire. Elle va être mise aux enchères, cette robe. Couleur chair et brodée à la main de 2500 cristaux. Elle sera mise en vente le 17 novembre prochain à Los Angeles. Sa valeur est estimée à entre 2 et 3 millions de dollars selon la maison de vente. La robe épousait tellement les voluptueuses formes de Marilyn qui ne portait pas de sous-vêtements. Elle avait dû être cousue sur la légendaire actrice et chanteuse peu avant qu'elle n'entre en scène au Madison Square Garden de New York ce 19 mai 1962 pour chanter Happy Birthday, Mr. President de sa célèbre voix sensuelle. Bon, voix sensuelle, mais c'est quand même pas un des meilleurs moments de la chanson, si ce n'est pour l'anecdote. Et ça fait 28 secondes que je vous propose de réécouter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Oui,

King of the World, le roi du monde. Eh non, c'est moi qui donne l'heure et qui peut te dire, il est pas temps de partir, Wither. Il est 6h30, mais si. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour. Tout le monde en troisième mineur interpellé dans le cadre de l'enquête sur les casses à la voiture Bélier. Il s'agit donc d'un mineur de 16 ans connu des services de police. Deux autres adolescents, on le rappelle, âgés de 15 et 17 ans, avaient déjà été interpellés lundi. Les trois mineurs ont été présentés hier devant le juge des enfants pour une mise en examen des chefs de vol avec effraction dans un lieu d'entrepôt ou une habitation en réunion et tentative, conduite sans permis, destruction par incendie. La peine encourue est donc de 10 ans. D'ores et déjà, le plus jeune des présumés cambrioleurs, donc âgé de 15 ans, est parti au camp Est pour exécuter une peine de prison ferme prononcée par le tribunal pour enfants à l'occasion d'une précédente condamnation. Le parquet a demandé le placement des deux autres en détention provisoire. Hier soir, le juge des libertés et de la détention devait statuer sur leur sort. Justice, le verdict est tombé pour Jean Wenege à l'issue d'un procès qui a duré deux jours devant la cour d'assises de Nouméa. Poursuivi pour vol, agression sexuelle et tentative de meurtre sur une mère de famille de 42 ans à Païta dans la nuit du 4 au 5 avril. Jean Wenege, 22 ans, a écopé de 12 ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté de 8 ans et d'une injonction de soins. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocate générale. Et puis le ponton de la plage du Château-Royal devrait disparaître du paysage. C'est ce que vient d'annoncer la province sud. L'état de cet ouvrage ne permet plus d'assurer les conditions de sécurité minimales pour les usagers. Son accès sera donc interdit à partir du 14 septembre. Cette fermeture sera suivie en 2017 par la démolition du ponton et la remise en état du site. Et puis à son procès, Jérôme Cahuzac affirme ne pas avoir menti à François Hollande. Jérôme Cahuzac a donc assuré qu'il n'avait pas menti, sauf par omission, sur l'existence de son compte en banque caché, sous-entendant que le président l'avait conforté dans sa décision de tenir malgré les révélations de la presse. Pendant 4 mois avant sa démission en mars 2013, on le rappelle, l'ex-ministre du budget a nié l'existence de tout compte à l'étranger jusque devant l'Assemblée nationale. Non, la fermeture du site de production d'Alstom à Belfort n'est pas inéluctable. C'est en tout cas le message que ne cesse de scander tour à tour François Hollande et Manuel Valls. La direction du constructeur ferroviaire a quant à elle affirmé qu'aucune décision ne serait prise avant la fin des discussions engagées avec le gouvernement français sur l'avenir du site. Jeudi, les 400 salariés de l'usine de Belfort ont prévu de manifester. Enfin, c'est l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et artisan de la paix au Proche-Orient. L'ex-président israélien et prix Nobel Shimon Peres, 93 ans, a été hospitalisé mardi soir près de Tel Aviv à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Son état est stable, il est conscient et reçoit un traitement adapté. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. I'm on your

is the mirror of myself. Am I somebody else? I don't wanna be everybody. Morgan sur NRJ avec le retour aux sources.

Énergie, il est 7h, du soleil encore pour aujourd'hui, des températures qui remontent dans une fourchette de 24 à 28 degrés. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Un troisième mineur interpellé dans le cadre de l'enquête sur les casses à la voiture Bélia Nouméa. Et puis la province sud annonce la destruction du ponton du Château Royal. Enfin, Shimon Peres hospitalisé après une attaque cérébrale. Mercredi 14 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB. Bonjour tout le monde. Un troisième mineur a donc été interpellé dans le cadre de l'enquête sur les casses à la voiture Bélier. Âgé de 16 ans, il est connu des services de police. Deux autres adolescents âgés de 15 et 17 ans avaient été interpellés lundi. Les trois mineurs ont donc été mis en examen, des chefs de vol avec effraction dans un lieu d'entrepôt ou une habitation en réunion et tentative, conduite sans permis, à destruction par incendie. Une peine encourue de 10 ans. D'ores et déjà, le plus jeune des présumés cambrioleurs âgé de 15 ans est parti au camp Est pour exécuter une peine de prison ferme prononcée par le tribunal pour enfants à l'occasion d'une précédente condamnation. Le parquet a demandé le placement des deux autres en détention provisoire. Hier soir, le juge des libertés et de la détention devait statuer sur leur sort. Perturbation dans le ciel calédonien. Un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aviation civile est donc susceptible d'impacter le trafic aérien à partir de ce soir 18h30 jusqu'à vendredi 7h. Air Calédonie se voit donc dans l'obligation de modifier son programme de vol. Les passagers concernés seront contactés par téléphone ou SMS. Justice, Jean Wenegaï écope de 12 ans de prison. Le verdict est donc tombé hier à l'issue d'un procès qui a duré 2 jours devant la cour d'assises de Nouméa. Poursuivi pour vol, agression sexuelle et tentative de meurtre sur une mère de famille de 42 ans à Païta dans la nuit du 4 au 5 avril. Jean Wenegaï, 22 ans, a donc écopé de 12 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 8 ans et d'une injonction de soins. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocate générale. La mairie rachète le terrain des 5 îles. Les discussions ont été longues et musclées, mais la ville de Nouméa a donc voté hier soir le rachat pour la coquette somme de 1,1 milliard dans un foncier jusque-là dédié au parc des 5 îles, le célèbre projet immobilier à rebondissement baptisé le parc urbain de la baie de Sainte-Marie. Le projet est estimé à 400 millions. À la page des intentions d'aménagement, les élus et le public ont donc pu découvrir la maison de la nature, des terrasses au bord de l'eau, une promenade à travers la mangrove, des decks de relaxation, un glacier, des espaces pour le sport, encore des aires ludiques pour les enfants. Dans l'actualité locale, objectif 100% électrique public renouvelable en 2030. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté donc un plan pluriannuel d'investissement de production électrique directement lié à l'adoption du schéma pour la transition énergétique. Il a pour but, en plus de la réduction de la consommation d'énergie et celle d'émissions de gaz à effet de serre, de faire d'ici les 15 prochaines années un effort suffisant pour que l'électricité produite à base d'énergie renouvelable soit équivalente à nos besoins de consommation publique. Philippe Dunoyer, porte-parole du gouvernement, explique ce qui est prévu pour arriver à cet objectif. Pour y arriver, il faudra, sur ces 15 années, de gros efforts d'investissement. On anticipe 115 à 120 milliards d'investissements sur la période, qui produiront d'ailleurs des économies également, puisqu'on aura moins besoin de combustible et d'importation de combustible, à hauteur de 50 milliards. On pourra créer 150 emplois nouveaux. D'ici à 2020, ce sont 25 milliards qui seront probablement en tout cas concentrés sur le photovoltaïque, notamment le photovoltaïque avec stockage. C'est une programmation qui était attendue par la profession. Et à partir d'aujourd'hui, on aura certainement d'ici à la fin de l'année déjà les premières autorisations qui seront données. Cette PPI, elle a comme objectif interne de permettre aussi l'installation de production pour rendre la province des îles autonome au plan énergétique d'ici à 2030 toujours, avec 30% d'autonomie en 2020, 60% en 2025 et 100% en 2030. Donc au moins deux objectifs qui sont prioritaires et qui vont pouvoir maintenant prendre corps. Cet investissement conséquent pour la Nouvelle-Calédonie doit permettre d'économiser l'émission de 3,5 tonnes de CO2, mais aussi de participer à la croissance économique à hauteur de 0,6% du PIB. Enfin, il limite sa vulnérabilité vis-à-vis des fluctuations des cours internationaux des combustibles fossiles. Le ponton de la plage du Château Royal devrait disparaître du paysage. Et c'est ce que vient d'annoncer la province sud dans un communiqué. Elle explique que l'état de cet ouvrage ne permet plus d'assurer des conditions de sécurité minimales pour les usagers. Son accès est donc interdit à partir d'aujourd'hui. Et cette fermeture sera suivie en 2017 par la démolition du ponton et la remise en état du site. Si elle est avérée, la disparition de cet ouvrage risque de faire bien des nostalgiques. dans le reste de l'actualité et à son procès, Jérôme Cahuzac affirme n'avoir pas menti à François Hollande. Et oui, Jérôme Cahuzac a assuré ne pas avoir menti à François Hollande, sauf par omission sur l'existence de son compte en banque caché, sous-entendant que le président l'avait conforté dans sa décision de tenir malgré les révélations à la presse. Pendant 4 mois avant sa démission en mars 2013, l'ex-ministre du budget a nié l'existence de tout compte à l'étranger jusque devant l'Assemblée nationale. La question précise, as-tu oui ou non un compte à l'étranger ? On me l'a jamais posé. Je n'ai pas menti au président, les yeux dans les yeux, a déclaré l'ancien élu socialiste. Jérôme Cahuzac affirme que lors d'un entretien, François Hollande lui a demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'il a répondu c'est rien, c'est des conneries. Voilà ce qu'a relaté le ministre déchu au cours de son procès. Alstom se donne 10 jours pour décider du sort de Belfort. Non, la fermeture du site de production à Belfort n'est pas inéluctable. C'est en tout cas le message que ne cesse de scander tour à tour François Hollande et Manuel Valls. La direction du constructeur ferroviaire a quant à elle affirmé qu'aucune décision ne serait prise avant la fin des discussions engagées avec le gouvernement français sur l'avenir de son site. Quoi qu'il en soit, un jeudi, les 400 salariés de l'usine de Belfort ont prévu de manifester. Et enfin, Shimon Peres est hospitalisé après un AVC. C'est l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et artisan de la paix au Proche-Orient. L'ex-président israélien et prix Nobel, Shimon Peres, 93 ans, a donc été hospitalisé mardi soir près de Tel Aviv à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Son état est stable, il est conscient et reçoit un traitement adapté selon son bureau. Shimon Peres avait connu en janvier 2 alertes cardiaques en 10 jours et avait été hospitalisé à 2 reprises. Il est resté particulièrement actif hein, à travers son centre Pérez pour la paix qui promeut la coexistence entre juifs et arabes. On termine avec l'info insolite. JB, c'est l'histoire d'un homme qui braque une banque pour échapper à sa femme. C'est pas une blague. Oui, vas-y, ça m'intéresse. C'est pas une blague. C'est Laurence Ripple. Il est septuagénaire, originaire du Kansas aux États-Unis. Et tout a commencé après une violente dispute avec sa femme. Et il est parti en claquant la porte et en disant « Je préfère encore être en prison plutôt qu'à la maison ». Et ce qu'il a dit, il a pris au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est rendu dans une agence bancaire où il a fait passer au guichet un petit mot mentionnant qu'il était armé et qu'il exigeait le contenu de la caisse. Donc il a récupéré 3 000 $. Seulement, au lieu de s'enfuir, il est allé s'asseoir sur un banc. Il a attendu, puis il est allé voir le gardien de la sécurité. Il a dit, celui que vous cherchez, c'est moi. Donc bien sûr, ce qui est arrivé devait arriver. Il va, il s'est fait arrêter et son vœu a été exaucé parce qu'il a été écroué. Ouais, il a échappé à sa femme. Il faut qu'il refuse les visites en prison aussi. Ah, aussi. Maintenant. Mais attends, s'il y a une demande de caution ou quoi, ouais. Faudrait pas qu'il soit libéré trop. Ah, le mariage, c'est pas le bail, mais plutôt la prison. T'imagines un peu ? Non. Et on voyait bien qu'il voulait lui échapper. Il y a peut-être d'autres manières, non ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle lui a fait ? Elle est tranquille. Elles peuvent être terribles comme ça, les femmes ? Elles peuvent. Pas toutes. Ah. Il y en a peut-être une ou deux qui sont... Mais alors ? Lui, je ne les ai pas connues, c'est ça ? 7h08. J'y vais, vas-y, rattrape-toi. Mais non, tout va bien. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie.

Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Roland Magdan, le dentiste. C'est tout ça, je suis le dentiste. Vous allez voir, ça va vous rappeler de très très bons souvenirs. Ouais, j'ai mal, docteur. Ça grosse au fond à droite qui me fait mal. Au fond à droite. À droite. À droite. À droite, merde. Non, c'est pas peine de trifouiller à gauche, j'ai rien à gauche. Allah ! C'est le con, j'ai rien à gauche. Oh ! 5 minutes, t'as mal à droite et à gauche. Et là, arrive la piqûre. Oh non. Là, il te monte la seringue, il te dit, voyez, c'est rien du tout. Vous avez rien de plus petit. Alors, je suis un docteur, normalement, une piqûre, ça va très vite. Chez un dentiste, c'est différent. Quand il retire la seringue, t'es carrément allongé dans le fauteuil. Là, t'as la piqûre qui commence à faire de l'effet. Hein. J'ai l'impression que ta lèvre pèse 3 kilos, là, non ? Ça va, vous sentez bien ? Ouais, bien. Et là, dentiste se met de dos. Il trifouille dans son coin, t'as l'impression qu'il bosse. C'est faux. Le dentiste se retourne parce qu'il se fout de ta gueule. Et franchement, il y a de quoi. Et là, il revient et il te met dans la bouche le crochet du capitaine Fracasse. Et là, comme tu es très à l'aise pour parler, il commence à te poser des questions. Alors, où est-ce que vous allez en vacances cet été ? Ah là là là là là. Attendez, où ça ? Ah là là là là là. On me dit si je vous fais mal. Non, on dirait que t'es fort. Oh là ! Ah, je vous ai pas touché. Ah bon ? C'est nerveux. Comment ? C'est nerveux. Pardon ? Ah ça va là, va là. Et là, il prend la roulette. Ouvrez la bouche. Non. Ouvrez la bouche. Non. Vous faites pas idiot, ouvrez la bouche, sinon je peux pas vous soigner. Je m'en fous. Vous avez qu'à passer par derrière. Débrouillez-vous, trépanez-moi. C'est pas idiot, ouvrez la bouche. Non, on a deux doigts en main. Ouvrez mieux que ça. Bon. Et là, il attaque. La chaque roulette a les fesses qui décollent de 20 cm. Vous voudrez que le nerf de la dent soit directement relié au muscle fessier. Et à un moment donné, il va à fond. Là, tu commences à avoir de la fumée qui sort de ta bouche. Pardon, il y a de la fumée. Et où les pompiers ? Alors la moule ! Et là, il pose la roulette. Ouvre la bouche. Et là, tu ouvres la bouche, puisqu'il a posé la roulette décontractée. À ce moment-là, il t'envoie de l'air froid sous pression, juste sur le nerf, à vif. Ah ! Enfoiré ! Comment ? Ah, ça va, là, là, là. Ah, ça fait mal. Et là, arrivée d'assistante, super sexy, super décolleté, genre Marilyn Monroe. Ça va, vous avez pas trop mal ? Non. Sans, je suis complètement insensible à la douleur. Ça tombe bien parce que ça risque de vous faire un petit peu mal. Et là, l'autre, il est derrière, réattaque la roulette. Oh, là, t'as la main gauche qui s'enfonce dans le bras du fauteuil, définitivement. Tu peux rentrer avec le fauteuil chez toi, non ? Pendant que la main droite essaye désespérément d'attraper les testicules du dentiste. Et là, comme par hasard, la roulette s'arrête. Ça vous gêne pas si je joue un peu vos testicules ? Non, ça peut vous détendre. Et là, il t'envoie un coup de roulette, vous, tu tires dessus. Oh ! Et là, t'as la roulette qui dérape sur la gencive. Alors là, quand ils font une connerie, ils disent tous la même chose. Rincez. Là, tu prends le petit gobelet, tu t'envoies derrière la cravate. C'est vraiment le cas de le dire, car vu l'état de ta lèvre inférieure, t'as le liquide qui tombe direct sur le costume. Là. Craché. C'est déjà fait. Eh ben, il y aura Zemmour. Là, tu prends le gobelet. Pour aller plus vite, tu t'envoies direct sur le costard. Craché. Et là, tu te retrouves avec un petit filet de bave d'environ 25 cm qui te relie directement à la cuvette. Là, tu te dis, faut que je m'en débarrasse le plus vite possible avant que Marilyn Monroe revienne. Et puis, il n'y a qu'une solution, faut que je me jette en arrière d'un coup sec. Tu te jettes en arrière et là, Marilyn Monroe revient. Là, elle te trouve allongée dans le fauteuil avec un filet de bave d'environ 2,50 m. Qui te relie toujours à la cuvette. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. Je voulais dire happy birthday, bon anniversaire, mais le monsieur n'est pas fini de cause et on y va, il n'y a pas grand monde ce matin. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Bon anniversaire à la chanteuse Ayo qui a 36 ans. Elle a lancé sa nouvelle émission Midi Sport sur Canal+. C'est la journaliste Aïda Touiri qui en a 39. Il y a le chanteur Morten Harkett, il a 57 ans. C'est le chanteur du groupe Ha Ha. Mais nous n'aurons pas d'extrait puisqu'on va juste écouter quand même Amy Winehouse. Avec Valérie à l'instant. Our Day Will Come. Elle est née un 14 septembre mais partie beaucoup trop tôt à l'âge de 27 ans. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marie, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 5. Retrouvez aujourd'hui chez votre revendeur des nouvelles calédoniennes le magazine IMO, le mag CINC spécial Forum de l'Immobilier. Retrouvez tout le programme du Forum de l'Immobilier des nouvelles calédoniennes des 16, 17 et 18 septembre à la Maison des Artisans. N'oubliez pas, IMO le mag est disponible aujourd'hui chez votre revendeur habituel des nouvelles calédoniennes. IMO le mag, le magazine de l'immobilier des nouvelles calédoniennes et de la CINC, Confédération Immobilière de Nouvelle-Calédonie. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Samedi 17 septembre, dès 17h sur le circuit de Nakutacoin, participe à la course du 10e anniversaire du karting. Monte ton équipe de 4 à 8 pilotes et lâche-toi sur la piste pour 5 heures de course avec 1 heure d'essai avant. L'inscription est à 75 000 francs par équipe. La course d'endurance des 10 ans du karting, c'est samedi 17 septembre dès 17h au circuit de Nakutacoin. À partir de 16 ans, plus d'infos au 76 39 40 ou sur www.karting.nc. En promo chez Matériaux 7 heures, à seulement 140 francs le kilo, nos rouleaux de barbelés vous seront indispensables pour la sécurité de vos parcelles. Nos trois magasins à votre service, Ducos, Païta et Pointe-Moute. Téléphone 28 04 04 ou sur Facebook Matériaux 7 heures. Réalisez tous vos projets avec Matériaux 7 heures. Hey la bande, avec Orangina on peut gagner un voyage de ouf en Nouvelle-Zélande pour 4 personnes. Ouais j'ai vu ça, il y a du saut à l'élastique, canyoning, rafting, parapente. Et on fait comment pour jouer? Tu vas juste sur www.orangina.nc. Bah on attend quoi pour s'inscrire? Rien, je prends mon tel. www.orangina.nc, c'est parti. Orangina! Ouais, j'ai gagné. Ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhone, 4 iPad et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du 29 septembre. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie Non-Stop. Énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Quel est le stylo le plus vendu au monde? Il a fêté ses 60 ans l'année dernière. Mon grand-père, professeur. Oh, vous avez dû rater la question, stagiaire Bernardin. Narration, s'il vous plaît. Quel est le stylo le plus vendu au monde? Ah, pardon. Alors, quand on ne sait pas... On se tait. Ah, je vois que ça rentre, mon petit, ça rentre. Le stylo le plus vendu au monde est français. Et il s'agit bien sûr du stylo Bic Cristal. Plus facile à exporter que le Roquefort, ce stylo à 8 côtés bat des records de vente d'année en année. Si bien que depuis son invention en 1950, il s'en est vendu 100 milliards d'exemplaires, 3 par seconde. Il n'y a que les cancres qui n'en ont jamais eu entre les doigts. Et les manchots, professeur, hein? Mais non! Hein? Ils écrivent avec les pieds, mon petit! L'histoire commence en 1945, lorsque Marcel

Sport News. L'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. À la une, le PSG qui est passé à côté de son match face à Arsenal. Après avoir ouvert le score dès la première minute par Edinson Cavani face à Arsenal à l'occasion de son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a ensuite manqué énormément d'occasions et s'est donc fait rejoindre dans le dernier quart d'heure par Alexis Sanchez à la 77e minute. Le score est donc de 1 partout. Le FC Barcelone, de son côté, a effectué des débuts parfaits en Ligue des Champions puisqu'ils ont écrasé le Celtic Glasgow 7-0. Lionel Messi a marqué 3 buts. Et puis le Bayern Munich et l'Atlético Madrid ont bien débuté leur campagne. Les Allemands ont étrié Rostov 5-0, tandis que les coéquipiers de Griezmann se sont imposés sur le terrain du PSV Eindhoven 1-0. Aux déclinations de Marseille, les médaillés français des Jeux de Rio ont prolongé la fête. Et oui, l'équipe de France a remporté ce mardi soir à Marseille la 12e édition du Décan National. Cela faisait 8 ans que les pays d'Amérique avaient la main mise. Alors, en bronze sur le 200 mètres à Rio, rappelez-vous, bien Christophe Lemaitre cette fois-ci s'est imposé sur la distance en 20 secondes et 23 centièmes. Renaud Lavillenie a dominé le concours à la perche avec 5,80 m malgré le vent. Dimitri Bascou a remporté le 110 mètres et tandis que Mélina Robert-Michon a gagné au disque avec un jet de 61 mètres 40. On termine par les Jeux Paralympiques de Rio. Eh bien, devinez quel est le premier pays en tête du classement des médailles. JB, une question pour toi. Je sais pas, je vais laisser le temps aux gens dans la voiture répondre. Et non, c'est la Chine avec 118 médailles, dont 50 titres. La Chine, bravo, t'as pas triché. 10 titres par jour depuis le début des Jeux Paralympiques. La Chine est donc pour l'instant sans rival. Au tableau des nations à Rio, elle a décroché 12 médailles d'or en natation, 10 en athlétisme et 7 en tennis de table. Alors cela lui permet de devancer très nettement la Grande-Bretagne avec 63 médailles. Et juste derrière, l'Ukraine, 61 médailles. La France est actuellement 18e avec 11 breloques, dont 4 titres. 2 pour la seule Marie-Amélie Le Fur à la longueur et sur le 400 mètres. Et puis Fabien Lamiraux qui est devenu tout à l'heure champion paralympique en tennis de table. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Laissez-vous guider vers les vibrations positives avec Karen. La meilleure potion énergétique, c'est de 8h à 9h dans Caféine. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. C'est promis, on ira faire du sport, mais d'abord on va manger. Oui, dans Caféine, on va manger du pique-nique, voire même du crunchy, du dairy milk, du time out ou du boost, parce qu'on va jouer au jeu de... L'addiction Cadbury. Oui, exactement. Alors, pour gagner ce magnifique petit panier, il faudra répondre à une question. Je vais vous poser un problème très, très, très compliqué, dont vous seul avez la réponse, parce que ça se trouve, je ne la connais pas non plus. On a essayé de calculer avec la stagiaire et je pense qu'elle n'a peut-être pas tort. On verra tout à l'heure. Je vous passerai le problème. En tout cas, il ne vous faudra pas une calculatrice, mais beaucoup de, on va dire, bon sens. Voilà, du bon sens. Et puis, on saura si vous avez été à l'école ou pas. On va débuter... Jusqu'au CE2. Ouais, moi, ouais. On va écouter Huba Stank, tiens, parce que j'adore ce morceau. James Bay avec Let It Go. Et puis, il y aura aussi les Red Hot Chili Peppers. Dans 5 petites minutes, je vous poserai le problème de l'addiction. Car oui, ça vaut le coup de gagner ce panier de Cadbury, parce qu'après vous êtes dans le grand tirage au sort pour gagner un smartphone. Un magnifique smartphone dont je ne ferai pas la description, parce que j'y comprends rien non plus. Allez, vive les maths, allez, c'est parti. From the zodiac, but I see your eyes fall.

across the floor. To teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? Me. never meant to do those things to you. And so I have to say before I go multiplié par moins. Joue au jeu de l'addiction Cadbury. Trois fois par semaine, trouve la solution à l'opération proposée par le professeur, l'animateur, et envoie ta réponse au 3511 avec ton prénom. 231 francs le SMS. Allez, on joue avec Picnic Crunchy, Cadbury, Boost, Time Out, Dairy Milk ou encore, vous savez, les petits bonbons au chocolat The Natural. Ils sont très très bons. On vous propose de gagner ce lot, effectivement, de barres chocolatées offertes par Biscochoc et Cadbury. Mais il faut répondre à ma petite question. Alors, ma petite question, elle va être très simple. À savoir qu'une barre chocolatée Cadbury fait environ 10 cm. Fait 10 cm, on va dire. Combien faut-il en mettre bout à bout pour, par exemple, faire la distance du parcours de la promenade Pierre Vernier qui, lui, fait 3 km. Alors, combien faudrait-il de barres chocolatées de 10 cm? Combien faudrait-il en mettre bout à bout pour faire toute la longueur de la promenade Pierre Vernier qui, elle, fait 3 km? Vous envoyez la bonne réponse au 3511. On va voir si vous avez la même que la mienne. Et puis, ça se trouve, c'est vous qui avez la bonne. Et puis, je vous appelle dès qu'on fera le tirage au sort sur les coups de 8h40. Je vous rappelle que vous serez aussi, si vous êtes appelé, dans le tirage au sort pour gagner le gros lot de septembre qui est un smartphone Microsoft Lumia. Voilà, de 8 gigas et il est tout noir. Donc, je répète la question. Combien faut-il de barres chocolatées de 10 cm? Combien faut-il en mettre bout à bout pour couvrir la distance de la promenade Pierre Vernier qui, elle, fait à peu près 3 km? Allez, mystère et boule de gomme au 3511 231 francs le SMS. Énergie Lumia. 5. Votre quotidien. Les Nouvelles-Calédoniennes organisent son 4e forum de l'immobilier du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016. Acheter, vendre, construire, louer ou encore investir à l'étranger, tous les professionnels de l'immobilier vous attendent pendant 3 jours à la Maison des Artisans à Nouméa. Le 4e forum de l'immobilier des Nouvelles-Calédoniennes à visiter absolument en partenariat avec Tropic Immobilier. Entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur notre site forum.limo.nc ou sur notre page Facebook Forum de l'Immobilier. Chérie, je t'emmène au resto ce soir avec les enfants. T'as gagné au bingo ? Non, j'ai réservé sur le nouveau site Reza.nc. Il y avait une promo à ne pas rater. C'est génial ça ! Ouais, sur Reza.nc, tu peux avoir des remises jusqu'à moins 50%. Et ça marche aussi pour les hébergements et les activités. Tu réserves tout ça sur le même site ? Oui, c'est ça. www.reza.nc. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. En promo chez Matériaux Center, à seulement 140 francs le kilo, nos rouleaux de barbelés vous seront indispensables pour la sécurité de vos parcelles. Nos 3 magasins à votre service, Ducos, Païta et Pointe-Moute. Téléphone 28 04 04 ou sur Facebook Matériaux Center. Réalisez tous vos projets avec Matériaux Center. Météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Bon, on ne va pas se mentir, la météo c'est un rendez-vous avec les prévisions du temps dedans. On ne va pas vous y proposer une recette de cuisine. C'est plutôt le soleil, pluie, les vents, les températures. La météo, c'est 3 rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Énergie Nouvelle-Calédonie. C'est de la bombe, énergie, music only. Music only. Warm coffee and a cigarette. We will smoke the last one in my twin's. size big. Forever.